Oyez, oyez, gentes dames et damoiseaux, bienvenue sur la FM 43. Feuilletons ensemble quelques tableaux sonores de l'histoire de France. Voyage prestigieux au cœur d'une vie légendaire, d'une nation auréolée de gloire et de souffrance. Arrêtons le temps et laissez-vous subjuguer par ces émotions vocales. Musique, maestro! Le maître des batailles